Mike Brown. Incroyable. Bonjour et bienvenue sur le podcast numéro 6 de Youngtis. Aujourd'hui au programme la Coupe du Monde de rugby, la fin du premier tour. Et à mes côtés on retrouve Opa. Yep. Ali J. Salut. Max. Salut. Et Potaval. Bonsoir. Donc tout le monde a la forme, c'est bon? Vous êtes prêts à débattre? On est fou. Chargé comme une Winchester. Eh ben très bien, donc on va commencer avec le coup de tonnerre, et je parle pas du joueur irlandais de ce premier tour. Wow. Avec l'élimination, hein, une petite Christian Jean-Pierre direct, quoi. L'élimination de l'Angleterre, le pays hôte, qui s'est fait donc virer de sa Coupe du Monde par l'Australie et le Pays de Galles. Et au vu du dernier podcast, c'est quand même assez surprenant, non? Oui, non, après, ils avaient quand même une poule quand même assez compliquée, hein. Il y a beaucoup d'équipes, s'ils avaient joué dans cette poule-là, ils seraient pas sortis non plus, hein. La France, entre autres. Pas de nom. Mais voilà, après, moi, c'est vrai que l'Australie m'a quand même impressionné sur le tournoi, donc et le Pays de Galles sur le match contre l'Angleterre, ça s'est pas joué à grand chose finalement, le point, mais surprenant, oui et non, je dirais. Les autres, non, personne. Ouais, moi, au premier podcast, je parlais du entre guillemets syndrome France 2007, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Au final, j'avais peut-être pas si tort que ça. Après, bah, ils ont contre le match contre le Pays de Galles, on va pas revenir dessus, mais bon, la pénalité à la fin du match contre le Pays de Galles, ils l'ont pas prise, hein. C'est plus que le match contre l'Australie, c'est ça qui leur coûte la qualification. Oui, c'est ça qui les met dedans. C'est clair, parce qu'après, ils ont la pression de ouf contre l'Australie, quoi. Ouais. Mais après, moi, sur le coup, ça m'a pas choqué qu'ils aillent chercher la victoire non plus, quoi. Bah, disons, c'est non, la marque, après la marque d'une équipe qui est en... Oh, ouais, c'est un peu... Ils étaient un peu trop confiants. Ah, ils sont anglais. C'est un peu ce qui les a plombés dans ce tournoi, pour... Ils étaient un peu trop confiants contre les Gallois, ils se sont fait prendre... Vraiment un peu par surprise, tu vois, et ouais, après, contre l'Australie, trop de pression, ils ont craqué, quoi. Plus, ouais, l'Australie, c'est scénario un peu catastrophe, ils prennent un essai d'entrée, enfin... Ouais. Exactement tout ce qu'il fallait pas faire, ils ont réussi à faire. Ils sont menés 17-3 à la mi-temps, je crois. Ouais. Bon, tu dis, ils vont peut-être essayer, mais bon, quand t'as un écart comme ça, dans un match d'un tel tour... Bernard Follet de Follet. Effectivement, et l'Australie qui a du coup montré quand même deux grosses facettes, quoi, contre l'Angleterre, donc a montré une attaque assez sympa, et le match d'après contre le Pays de Galles, et là ils ont sorti les barbelés, ils ont montré que bon, ils pouvaient s'adapter un peu à tout, quoi, et on les attendait peut-être pas à ce niveau-là, quoi. Ouais, je sais pas, j'ai pas trop vu l'Australie, après ils m'ont bien plu contre l'Angleterre, j'ai pas vu le match contre les Gallois, donc je crois. Qu'est-ce ouais, que tu fais sur le podcast alors? Non, pareil, j'ai pas vu le match contre les Gallois. Mais parce contre l'Angleterre, c'était assez sympa à voir. Bah, surtout, contre les Gallois, ils sont à 13 à un moment, je crois. Ouais, ils passent un quart d'heure limite à 13 devant leur ligne à défendre comme des fous et ils prennent rien, quoi. Et je crois que c'est même eux qui marquent 3 points après à 14. Ouais, c'est ça. C'est... Ils font vraiment une défense monstrueuse, quoi, pendant 20 minutes facile, quoi. Alors, ça a toujours été une marque de fabrique australienne, la grosse défense. Et ils ont aussi trouvé une mêlée, pardon. Oui. Parce que là, c'est ça aussi. Le plus gros changement, je crois. Ils ont trouvé un. Ah, ils peuvent faire remercier Amrioli Desma, surtout, là, pour le coup. Ouais, je pense. Il y avait déjà un peu de mieux, mais c'est vrai que depuis qu'il est là, ça monte crescendo, quoi. Et du coup, peut-être un petit mot sur l'avenir de l'Angleterre, du coup. Vous ferez quoi, vous, à la place des Anglais? Vous virez Lancaster, vous pétez tout? Non, moi, je laisse. Apparemment, c'est pas tant la PD qui veut virer, mais c'est lui qui, apparemment, voudrait partir. J'ai entendu ça à la radio, sur internet, j'ai vu ça aussi. Donc à voir. En même temps, j'ai jubilé sur le moment quand ils ont été éliminés, mais j'étais vachement déçu pour eux parce que en 4 ans, ils nous ont montré une facette du rugby anglais qu'on n'avait jamais vue. Ça jouait, c'était vraiment agréable à regarder. Ils en devenaient presque sympathiques. Mais là, ouais, pour eux, tout s'écroule d'un coup et je pense qu'ils vont avoir du mal à s'en relever quand même. Surtout qu'il y a des joueurs. De l'équipe qui ont totalement discrédité, qui n'ont plus de crédit. Je pense à Chris Robshaw notamment, le capitaine depuis 4 ans, et là, tout le pays lui tombe dessus, quoi. Ouais, mais lui a peut-être sauté pour l'exemple, à la limite. Mais sa carrière, elle est flinguée, oui, je pense qu'elle est flinguée, c'est clair. Mais après, c'est au niveau du jeu et tout, c'est pas une si grosse perte que ça, je pense. Non. C'est pas le joueur le plus... irremplaçable de l'équipe, quoi. Ah, c'est pas Pocock, hein, c'est sûr. Ouais, mais après, ils ont qui en. Ouais, si on vient en réserve. Bon, je pense que. Bah, déjà, ils ont des. Les jeunes qui restent les moins de 20 Jackson sur. Ouais, ils ramènent un petit Hermitage dans 2 ans et c'est bon. Quoi. Ils naturalisent un petit Sud-Africain au pire. Oui, bah voilà. Ou sinon, il y a les jeunes qui restent sur 3 finales de moins de 20 de suite, de gagner. Oui, notamment. Je me fais pas trop de soucis pour eux. Donc, là, bon, leur après, formation. Faut voir la direction qu'ils vont prendre. Parce qu'ils reviennent à un rugby de bourrin, là, aller tout concasser devant pour finalement faire 3 passes. Moi, je sais pas, je pense pas non plus, enfin, j'espère pas du moins. Parce que je pense que Lancaster survivra pas, mais je pense pas qu'ils vont changer du jour au lendemain leur philosophie qu'ils ont installée depuis quelques années. J'en suis pas à le penser, mais j'espère comme toi. Après, Lancaster, c'est une déception maintenant. Ça fait 3 ans de suite, je crois qu'il termine deuxième du 6 Nations, c'est quand même. 4 ans, même. 4 ans, ouais. Il a fait 4 fois 4e. C'est quand même. Pas mal, faut pas ça. Enfin, c'est vrai que c'est une déception parce qu'ils étaient chez eux. Maintenant, faut voir la poule dans laquelle ils tombent. Voilà, je veux dire, c'est quand même très très compliqué. Oui. Moi, je serais pas forcément pour le virer, quoi. Et j'espère qu'ils vont se retourner un peu sur le passé, parce qu'en 99, Woodward, il l'avait gardé après une élimination assez moyenne en quart en 99, et 4 ans après, il était champion du monde. Donc peut-être que. Ouais, c'était en quart aussi. Ouais, c'était en quart. C'était pas chez eux. C'était chez eux en 99. Pardon ? Oui, c'était en partie 99, chez eux. C'était Angleterre. C'était un peu partout, quoi. C'était un peu partout dans les îles britanniques. Mais je crois qu'ils avaient pris des sacrés cartons aussi à cette époque-là, pire que maintenant. Et du coup, j'ai vu dans les remplaçants potentiels à Lancaster, il y a Mike Ford, le papa de George, quoi. On va prendre peut-être la place du papa de Owen Farrell. Ça serait quand même assez marrant, quoi. C'est vrai que c'est quelqu'un d'assez concentré, focus, comme on disait. On a aussi le droit du Rafael Ibanez. Ah ouais, chez les Anglais ? Ouais. Ah, carrément. Bon, après, c'est des noms qui circulent, il ira jamais là-bas. Mais bon, c'est toujours marrant de voir ça. Oui, après, si tu regardes les noms qui circulent, t'avais Jack White aussi et compagnie. Ouais, bah, normal. Hein. Un poste aussi bon quand même. Sinon, on a un sélectionneur qui se qualifie pour l'écart, donc on peut leur donner s'ils veulent. Hein. Ouais, au pire, on le refait Saint-André. Ouais. Expérience anglaise en plus. Ouais, en plus. Voilà. Ouais. Il parle parfaitement anglais. Ah, on l'a vu il y a pas longtemps, je crois. Il a lâché une interview en anglais. C'était phénoménal. Ouais. Phénoménal. Bah très bien, on passe à la poule B. Allez, oui. La poule B donc a vu la qualification de l'Afrique du Sud et de l'Écosse et qui a surtout vu la je vais pas dire la grosse surprise, la demi-surprise, car ils ont battu les Sud-Africains, mais au final ils sont pas qualifiés, c'est les Japonais. Ils nous ont quand même tous fait vibrer sur ce premier match remporté au finish là. C'est la grosse sensation de ce mondial, le Japon quand même. Autant je trouve que c'est la grosse sensation, j'ai vibré avec eux et tout, mais alors le fait qu'ils se qualifient pas, franchement, ça m'en touffe une sans faire bouger l'autre. Alors ça, c'est la première équipe éliminée avec 3 victoires. Après, c'est le système qui veut ça dès le début, hein. Tu le sais que dans ces poules à 5, tu auras les calendriers qui sont déséquilibrés et autres. C'est le jeu, ma poule du 7. Hein. Après, ils auraient pu faire l'effort d'aller chercher le point de Samoa, par exemple. Même si après, ça se joue pas. Ils ont deux points de retard. Ce qui leur fait mal, c'est la branlée contre l'Écosse. Ouais, niquez-vous, là. Oh, oh. Ouais, donc je disais que... Attends, j'attends qu'il y en a qui me coupe. Je disais que le Japon était au-dessus des États-Unis. Et je sais plus qui c'est, je crois que c'est Val qui me disait que c'était plutôt au niveau des États-Unis. Ouais, je vais pas me jeter des fleurs, moi je l'avais dit, quoi. Enfin, franchement, sans vraiment le dire maintenant, en premier podcast, on se disait aussi comment ils vont faire pour battre les gros Samoans, qu'est-ce qu'ils vont faire contre ces bœufs de Sud-Africains. Enfin, je pense que maintenant, en fait, faut arrêter de penser t'as des équipes qui sont physiquement au-dessus. Les mecs sont restés 3 mois ensemble à se préparer, à pousser de la fonte comme des ânes. Physiquement, ils sont prêts. Hein. Après, c'est juste que pour moi, ils ont un super coach. Eddie Jones, il fait un boulot de dingue là-bas. Ils ont un staff qui est... très très bon, ils ont rassemblé des spécialistes de tous les éléments du jeu, et mine de rien, c'est là qu'on le voit, un bon coach, ça aide, quoi. Ça aide plutôt qu'un Benny Oui Oui qui dit rien du tout et qui te propose aucun plan de jeu, quoi. Ne parlons pas trop de la France maintenant, il y aura le temps. Non mais bon, je parlais du Japon. Si tu parlais de la France après, je ne sais pas. Ah non, absolument pas. Quand je parlais du Japon, je pensais quand même pas qu'ils allaient battre l'Afrique du Sud. Ah ben moi non plus, je te rassure. Personne. Non, même eux, je pense. Après les Samoa... Ça me voit mon déçu. Super flop. Ça m'a pas ah ouais, mais les équipes du Pacifique. Hein. Bah justement, je comptais en parler tout à l'heure avec les Tonga, mais on peut en parler maintenant si vous voulez. Les équipes du Pacifique, les 3 font 4e de poule, donc aucune est qualifiée déjà pour le prochain mondial. Ouais, mais finalement, moi, j'ai bien aimé les Fidji, hein, malgré tout. Ouais, mais les Fidji tombent dans une poule qui est horrible pour eux. Ouais, mais... bah oui, ouais, malgré tout. Mais après, ouais, ça a été les meilleurs. Par contre, les deux autres, tu vois clairement que pendant des années, c'est des équipes qui ont survécu par des morphotypes qui sont supérieurs aux autres. Et maintenant que tu as les préparations physiques qui nivellent plus ou moins le niveau entre les équipes, ils peuvent plus dominer sur toute une compétition comme ça. Surtout que les Samoa ont chialé pour le calendrier et tout. Cette année, le calendrier, ils avaient rien à dire. Ils avaient une semaine entre tous leurs matchs. Ils étaient prêts physiquement à chaque fois. Et ils ont juste proposé quelque chose de laid, quoi. Bah, c'est de la bouillie, quoi. C'est techniquement surtout qui. Beaucoup d'aides. On est à avoir des gestes magnifiques, enfin, les îles Pacifiques, quoi, enfin, les joueurs du Pacifique. Et rien, c'était niveau technique vraiment très faible. Bah, moi, c'est surtout, enfin, des trois, c'est vraiment eux qui m'ont déçu le plus. Je les ai pas trouvés, enfin. Je me demande s'il y a pas quelqu'un de nous quatre, je sais plus qui même, qui les avait peut-être donnés en quart, je sais pas. Ouais, si, c'est moi, ouais, totalement. Donc, ouais, c'est pour dire qu'on avait quand même des attentes un peu plus élevées pour eux, et au final. Pour qui? Pour le Samoa? Oui. Ouais, ouais, moi carrément, je m'attendais vraiment à mieux. Hein. Quand ils voient le match qu'ils faisaient contre les Blacks, c'était pas dégueulasse. Ils sortent d'une bonne Pacific Cup. T'as plus ou moins des joueurs qui sont quand même rodés au haut niveau. T'as des mecs qui sont dans tous les bons clubs d'Europe. Au Samoa, il y a des problèmes internes. Les joueurs, ils ont pas forcément envie de venir jouer parce que, au final, ça leur apporte rien. Donc, c'est pas évident. Oui, non, c'est sûr, mais ça, c'est pas forcément des trucs que je prenais en compte quand je faisais mes pronos, c'est clair. Non, mais pour dire, ouais, moi, ils m'ont déçu, comme les Tongiens. Hein. Les Tongiens, au final, c'est quand même pas. Là, ils se sont fait taper direct par les Géorgiens, du coup, ça les a pas aidés, quoi. Parce que, après, leur mondial était fini, quoi, pratiquement. Une fois qu'ils avaient perdu ce match-là, ils avaient plus grand chose à faire, quoi. Mais ouais, les Fidji, bonne surprise, quand même, avec notamment cette mêlée qui a fait souffrir bah, tout le monde, presque. Ouais. Honnêtement. Limite la meilleure du mondial. Sur le premier tour. Ouais. Avec une première ligne qui vient de Fédéral 1 ou 2, quoi, c'est quand même. Ouais. Après, c'est formateur à Fédéral. Surtout en mêlée, ouais. Ces équipes, c'est encore le jeu au pied. Hein. Quand est-ce que ces équipes auront un vrai buteur? Ouais, bah c'est vrai que ouais. Vola, on a laissé passer pas mal. Nadolo, pareil. Ouais. Moi, je te dirais ça. Et la Gizzi au Samoa aussi. Le moins pire, c'est Kurt Morat. Moi, je te dirais ça et la défense aussi. Hein. Parce qu'en défense, c'est soit trop d'agressivité, comme les Samoans, où tu te prends des cartons à tout va, soit les Fidjiens, que j'ai trouvé beaucoup moins rugueux que d'habitude, et où c'était parfois la porte ouverte. Hein. Je pense qu'il y a de la discipline à avoir dans ces équipes, qui peut, après, ça va être compliqué. Je pense qu'à terme, de toute façon, t'as trop peu de vivier pour mener des équipes qui feront quelque chose. À terme, c'est la fusion de ces équipes-là, quoi. Mais ça se fera jamais. Il y avait déjà eu une tournée comme ça de... Les Pacific Islanders. Pacific. Ouais. Et je crois qu'ils en refont une d'ailleurs, peut-être l'an prochain ou dans 2 ans, je crois. Il me semble avoir vu ça. Ouais. On pourrait peut-être faire une petite franchise aussi entre eux pour le Super Rugby. T'sais. Ouais, ça pourrait être pas mal. Même si après, bon. Après, géographiquement, dans Super des nations. Ouais, c'est bon. Dans 5 ans, il y a une franchise aux États-Unis. On se débrouille. Ouais, le Super Rugby, maintenant, géographiquement, les mecs font tour de la planète. Hein. Et Toulon compte s'inscrire aussi, apparemment. Donc, Les Saracens. Ouais, aussi, les Sarabox. Et ouais, du coup, on a un peu esquivé la poule B. Je sais pas, l'Écosse, un petit mot peut-être sur l'Écosse. Bah, dans la lignée de ce qu'ils font depuis que Cotter est là. J'ai pas vu le dernier match contre les Samoa, c'était assez chaud apparemment. Ah, c'était un peu ouais. Ouais, c'était assez tendu. Et bon, là encore, on voit que quand on a un buteur fiable, on peut sortir de situations mal embarquées. Hein. Franchement, Greg Lexo, j'avais rarement vu à ce niveau. Et c'est vraiment une bonne coupe du monde. Même l'Écosse, elle est au niveau où on l'attendait, hein, clairement. Ouais, ouais, même les deux premiers matchs entre Japon et États-Unis, ils ont souvent eu du mal entre guillemets au démarrage, mais en fait, je pense que c'était plus ou moins maîtrisé en fin de match à chaque fois. Au final, comme toutes les grosses équipes contre les petites, hein, si tu regardes bien, c'est ça, en fin de match, ils ont fait la partir de la 50-60e. Ouais. Ils ont contre le Japon, ils prennent le feu hein, en première mi-temps, mais. Ils se désunissent pas, ils gèrent, ils dégagent au pied, ils prennent les points, et en deuxième mi-temps, c'est le rush, quoi. Quand les autres, ils baissent de pied. Donc, ils ont bien géré, ils ont un peu fait tourner contre les box, et voilà, quoi. Le calendrier était parfait pour eux, quoi. Bah, déjà, ouais, ils commençaient contre le Japon, qui avait joué 4 jours avant, donc physiquement, c'était un peu compliqué, quoi. Et puis, bah, après, contre les États-Unis, bon, c'est pas. Les États-Unis qui ont quand même pris. Ils ont pris que des branlés, quoi, donc quasiment, donc. Ouais, c'est vrai que le calendrier les a plutôt aidés, quoi. C'est bon pour la poupée. Ouais. Sur l'Afrique du Sud, non? Bah oui, on peut, on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure, mais vas-y, oui. Non, je voulais dire qu'ils avaient pris les Japonais un peu des branques. Bah, ils se sont bien fait, ils se sont bien fait. C'est leur une bonne piqûre en rappel, parce que depuis, moi, je les trouve vraiment impressionnants. Ah ouais, ouais, depuis, ça leur a fait comprendre que Matt Field, le mieux, son meilleur maillot, c'était le blazer en ce moment. Donc... depuis, ils sont un peu énervés, ouais, c'est clair. Ah ouais, ils sont. Ouais, mais Matt Field, moi, je le vois bien revenir contre oui, les Gallois. Oui, oui, verra. Oui, c'est sûr. Ils ont quand même des, enfin, du 4 au 8, ils ont des espèces de. Ah, les mecs, c'est décérébré, mais putain, ça y va. Hein. Oh là là. Saint-André, il rêve d'être là-bas. Jean de Villiers blessé. Ah, mais c'est le rêve. Ouais, c'est ça. Jean ouais. De Villiers out jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Dupré, ce qui rendait de ses cendres. Trop bon, quoi. Trop bon. Bah, allez, la poule C, pas la poule la plus passionnante, parce qu'elle s'était pliée bah, dès le premier dimanche, quoi, limite. Oui. Avec la victoire de la Nouvelle-Zélande sur l'Argentine. Le match d'après, l'Argentine explose la Géorgie, donc il n'y a vraiment pas eu de suspense du tout dans cette poule. Est-ce que les Blacks sont toujours favoris de la Coupe du Monde pour vous? Oui. Oh bah oui. Ah oui, oui, parce que là, c'est quasi, ils ont quasiment. Ouais. Déjà, ils ont leur place en demi quasi assurée. Ouais, ouais. Puis ils ont eu un premier tour, c'était, ils ont eu un premier tour tranquille, quoi. Enfin, ils sont même pas forcés, quoi. C'est ça le. Et c'est peut-être ça le problème, justement. En 2007, non, moi, ils n'avaient pas forcé aussi, et au moment des matchs couperés, ça leur a fait tout drôle, quoi. Ouais, mais moi je comprends pas le coup de ils sont en difficulté. Enfin, pour avoir vu tous les matchs sur Canal avec un duo de commentateurs qui n'a rien à envier aux deux abrutis de TF1, les mecs te rabâchaient à longueur de temps que ouais, les Blacks ils sont pas bien, les Blacks ils sont pas bien, les Tongiens sont en train de les concasser, tout ce que tu veux. Ouais, enfin, à chaque fois qu'ils accéléraient quand même, ça allait au bout, quoi. Donc moi, pour moi, franchement, ils jouent, ils prennent les matchs à leur main, quoi. Ils sont en train de, ils ont récité leur petite partition. Ça fait 2 ans qu'on les tord ou qu'on les fait bien chier là, nous à chaque fois deux fois qu'on les tombe. Je pense qu'ils vont, arriver motivés, lancés comme des avions. Enfin, pour eux, je pense que pour eux, c'est le mieux de nous jouer nous, parce qu'ils vont arriver avec l'envie de nous crever. Hein. C'est pas faux. Mais moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'ils soient prêts. Hein, et je pense même qu'ils en ont pas mal sous la semaine. Ah, je suis quand même déçu de pas avoir eu mon match à 100 points. Le max, mais... ça a été 64, je crois, c'est ça? L'Argentine, non? Ouais, l'Argentine. 64 hier. Pour l'Afrique du Sud. 65, 65-3 l'Australie. Je crois que l'Australie a mis 65, ouais. Ouais, 65-3 l'Australie. Pas 63-3? 65, moi j'ai. 65-3. Donc ouais, le niveau c'est pas mal resserré entre les équipes. Bon, il reste un grand écart quand même. Ouais, après l'Uruguay c'est la plus faible de tout aussi. Quoi. Non, oui, les Blacks, moi je pense qu'ils se sont un peu économisés, mais je pense que la machine va repartir. S'ils mettent... le double, ne serait-ce que le double de leur concentration sur les matchs de poule, je pense qu'ils vont plier tout le monde. Ouais. Suite. Il y a des chances aussi. Même si leur demi s'annonce coton. On verra ça. Ça peut être contre l'Afrique du Sud. Ouais. Donc on verra ça. Non, l'Afrique du Sud. Pays de Galles, ouais. Et l'Argentine, tout le monde les voyait plutôt bien avant le tournoi, si j'ai bonne mémoire. Et au final, ils ont séduit un peu tout le monde, j'ai l'impression. Bah ouais, bah moi ça reste parmi mes favoris pour la victoire finale, mes favoris pour aller assez loin. Ouais, avec un duo d'ailier Roanimov qu'on connaissait, et Cordero qu'on connaissait un peu moins. Perso je le découvre et waouh, quel joueur. Moi c'est leur 5 de devant que je trouve. Oui, devant ils sont leur 3ème ligne aussi. Ah, ils leur sont ligne avec ils sont épais, quoi, et comme et Fernandez Lobé. Il a mangé du bœuf, tu sais. Ah, les mecs, les Asada, ils sont allés, t'as enquillé des entrecôtes à foison. Je suis bien content. Ouais. On serait tombé sur eux, ça nous aurait fait drôle devant, je pense. Hein. On aurait chialé direct, je crois. Ah, bah, déjà qu'on a, on déjà pas que ça a été drôle. Au là, 20 minutes, à mon avis, on aurait pleuré nos mères. Hein. en mêlée, on aurait rigolé, je pense. Hein. Ou pas plutôt. Et le pire, c'est que même derrière, après hier, c'était la Namibie, mais quand tu vois même les remplaçants, comment ils jouaient hier contre la Namibie, tu voyais que c'était bien léché. Quoi. Ouais, non, c'est. Et on a vu quand même un truc, enfin, franchement, moi qui m'a fait marrer dans ce match-là, Argentine-Namibie avec le pilier namibien qui a tenté une transformation. Ouais. Enfin, le match. Moi, ça m'a fait marrer, quoi. Putain. Ouais, c'était ça. Pourquoi il l'a tenté? C'était pour le fun ou parce c'était sa retraite, le buteur de la retraite après. Ouais, je pense. C'était international. Ouais, okay. Et il a tapé plein poteau, quoi. Enfin, la protection du poteau, quoi. Bah, finalement, il a pas si mal tapé que ça, un pilier. Non, ça allait, ouais. C'était assez fun. Hein. Bon, du coup, ouais, c'était la poule un peu. Bon, sans trop de suspense. Voilà, la poule D non plus. Et bah, au moins, il y aura cru un peu plus, quoi. Ça s'est joué sur le dernier match. Et c'est bon, le suspense a vite tourné court aussi. Quoi. Avec cette défaite de l'équipe de France, donc, contre l'Irlande, 24-9. Score, normal, quoi. Mérité. Oui, oui. Enfin, logique. 40, hein. Et avec Hurts qui laisse échapper la balle, je sais pas comment. À un moment, ils ont un 4 ou 5 contre 1 qui négocient comme des cochons. On aurait pu en prendre 40. Hein. Qui pensait qu'on pouvait gagner avant le match ? Non, pas moi. Sérieusement. Moi, je pense. Moi, j'ai pensé à toi quand tu disais. Quand tu me disais que devant, on pouvait leur faire mal, tu vois. Et ouais, j'y ai cru la première mi-temps parce qu'on était bien rentrés, qu'on avait bien occupé. J'y ai cru les 10 premières minutes, quoi, quand on jouait dans leur camp. Puis après. Le mec s'est passé la première mi-temps aux 10 premières minutes. Ah ouais, non, sur mais. Sur le coup d'envoi, j'y ai cru, mais après, bon. Non, mais au final, à la mi-temps, on tourne pas loin. Tu te dis que. Enfin, on a entendu toute la semaine qu'on avait un des meilleurs packs du monde, qu'on avait un gros paquet d'avant, une conquête énorme, qu'on allait finir par les tordre. Enfin, j'ai entendu aussi que Michalak, il avait un sexton dans chaque jambe. Ce genre de choses, quoi. Donc, tu finis, à force d'entendre toutes ces conneries, tu finis par te dire, ouais, c'est peut-être possible. Puis au final, tu retombes quand même brutalement, quoi. Mais ça s'est joué sur des détails, je crois, d'après ce qu'a dit Saint-André. Oui, oui tout à fait. Oui. Ça joue toujours sur des détails. Ils ont un monde parallèle. Je suis en train de voir les stats, il y a une stat qui, je crois, qui fait super mal, c'est les mètres gagnés, quoi. 423 côté irlandais, 268 côté français. Ah, mais 2 mètres pour Bastaro, 3 mètres pour Naki, ça fille. Bastaro, en fait, il a trébuché, s'est couché, et il a fait 2 mètres. Le nombre de passes aussi est pas mal d'ailleurs. 90 pour les lents. 94 pour la France et 200. Ça, on a fait 94 passes et 90 courses, je crois, dans le match. En gros, c'est ça. Une passe et bim. Après, il y a des choses que je comprends pas, mais Picamol, c'est peut-être le joueur qui avance le plus dans ton équipe. Tu lui fais toucher 4 ballons, quoi. Il a touché 4 ballons pendant ce match. 4 de plus qu'on a Kaitassi, quoi. Ouais, oui. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que il y avait Johan Huger sur une radio affiliée au RC Toulon il y a pas longtemps là. Et tout à fait. Oui. Et le mec te dit, je me disais, mais putain, devant sa télé, il doit se dire quand même, j'ai bien fait de me blesser, quoi. Parce que j'aurais pas vu un ballon, je me serais fait chier pendant tous les matchs. Finalement, Nakaitassi, c'est bien qu'il soit là à ma place, quoi. Non, moi je comprends pas. Surtout quand tu vois les trucs les Irlandais en face. Combien de fois les ailiers sont venus au ras des rocks pour essayer de faire des redoublés, pour essayer de rentrer Plus de fois. On manque de talent, d'imagination, de staff. De travail aussi, je pense. Enfin, de travail. Oui, mais le pas mais de temps de travail, mais de qualité de travail. Quoi. Mais le groupe vit bien. C'est... Heureusement. Il y a un truc que je regardais sur TF1. Hein. Et quand Sexton est sorti, ils ont dit ouais, c'est un coup dur pour l'Irlande et tout. Ah bah oui, on a vu après qu'avec Madigan, c'est vrai que c'était un coup dur quand même. Ouais, ça a rien changé en fait, mais. Il a fait une super entrée. Ah, ça me fait penser en plus de la boucherie au Valley hier pendant le match. Où ouais, pareil, ils ont que le plan de jeu c'était de tuer Sexton et qu'ensuite ils en avaient pas. Après, on l'a tué au O'Connell, bon, on se dit ça peut peut-être passer. Bon, on a essayé d'avoir O'Mahony, toujours pas, tu sais. Bon, il y a Clear après. Aussi, s'est blessé. Il y a Hurst qui s'est blessé au coude. Je sais plus. Au final, ça n'a pas été trop efficace, quoi. Non, mais les Irlandais ont confirmé que c'était la meilleure équipe européenne du moment, quoi. Quand t'entends les mecs qui disent que si O'Brien avait pris le rouge, on aurait gagné. Et ça me dégoûte. Honnêtement, je suis même pas sûr, franchement. J'ai peur de penser ça, mais je me dis, je sais même pas si. Bon, au final, 15 sur 14, contre 14, 80 minutes, quand même, tu le sens passer, je pense. On était tellement peu dangereux. On n'arrivait tellement pas à garder la balle que je me dis, c'est même pas sûr qu'à une plus tout match, on gagne, quoi. Horrible. C'est pitoyable dans les rocks. Ben, ouais. Toujours déjà contre la Roumanie, on avait un petit aperçu. Ouais, toujours ce problème. Pourtant, des fois, ils y vont à 4 ou 5, mais il y en a deux qui sont allongés par terre. Oui. L'autre ça, qui regarde, qui regarde, qu'attend. Enfin bon. Ouais, qui... En face, t'as qu'un seul mec dans le ruck. Ils joignent le ruck et ils attendent derrière. Mais les Français en ruck, c'est la DDE. Second. T'en as un qui chatouille le ballon, t'en as trois qui regardent. Les petits bords qui dirigent derrière. T'sais. Ah putain, c'est. Ah non, mais ça. Les rucks, ça a été. Je crois que ça a vraiment été. Mais enfin moi au début je gueulais quoi, au bout d'un moment je rigolais quoi, c'est pas possible quoi. Ouais, il y a eu la touche ballon, aussi. Ah, la touche. Oui, pas ça. C'est bon, après c'était l'Irlande en face, c'est vrai qu'ils sont sur son balade. Gros alignement. Ah, mais c'est vrai, moi c'était comme Max juste à la mi-temps j'y croyais, mais au bout de 5-10 minutes à la deuxième mi-temps au final j'étais plus dépité, je me dis bon ben enfin c'est mort quoi, j'ai vraiment plus aucun espoir. Pourtant je suis optimiste, voilà, j'y croyais jusqu'à la mi-temps quoi. Mais au moment, j'étais défaitiste, je me dis bon ouais, tant pis quoi, c'est fini, t'sais. Jamais, à moins une interception et encore, t'sais. Je me dis on peut pas s'en tirer quoi, c'est trop peu. Ouais. Et je crois qu'il y a une... pour résumer le match, il y a une stat aussi, j'ai encore une stat qui est très parlante. L'occupation en deuxième mi-temps, c'est une horreur. Oui, c'est affreux. 80 à 20. 80% pour l'Irlande, 20% pour la France. On a passé à une médiane en deuxième mi-temps. Apparemment. Sur un coup d'envoi. Ouais. Après l'essai. Les coups de pied en l'air de Tidus Board. Ouais, bah c'est dur. C'est dur, mais réaliste, hein, au final. C'est ça. On y aura eu un peu pendant le mois d'août, quoi. On a fait 2-3 trucs pas trop mal par rapport aux 4 dernières années, mais bon, on est vite revenu sur Terre, quoi. Enfin, moi, il y en a beaucoup qui vont dire que je m'acharne sur ce club merveilleux, mais franchement, je m'inquiète de confronter les Blacks avec un axe 9-10-12. Enfin, ouais, non, mais pas 12, mais bon. Enfin, Tius Board, Michalak, Bastaro, c'était peut-être les 3 pires hier. C'est ça, ouais. Mais moi, le truc, c'est que avant la Coupe du Monde, on entendait un peu partout, ouais, Tius Board et Michalak, c'est une charnière qui se connaît et tout ça. Et, les gars, ils ont joué que 4 matchs ensemble avant la Coupe du Monde. C'est voilà, tu peux pas arriver dans une Coupe du Monde avec des mecs qui n'ont jamais. Non, mais puis après, Saint-André a l'air d'avoir. Bon, de toute façon, Saint-André, on en parlerait, je suis capable de vous tenir 2 heures dessus tellement ça m'exaspère, mais. Enfin, le mec est quand même le seul qui est persuadé qu'il n'y a pas de débat pour son demi-mêlée, quoi. Non, c'est Tius Board tout seul, il n'y a pas moyen, Cocotte, on ne sait pas pourquoi il est là-bas, pour faire des radeaux Koh-Lanta pendant la préparation. Pour faire chier les Sud-Africains, quoi. T'sais. Ah ouais, non, mais c'est ça. Mais apparemment, il y a des. Enfin, d'après tout ce qu'on peut lire à droite à gauche, il va changer un peu son équipe pour le quart, il va tenter des choses, quoi. Comme l'a vu, ça sent le chouli en moins. Il y a sûrement Para aussi qui va passer titulaire. Moi, Chouli, faut qu'on m'explique, quoi. Le mec est censé être capitaine de la touche, quoi. Il est, hein. Contre l'Irlande, tu te dis, mais il est où le capitaine, quoi? C'est pas possible, quoi. Bon, en touche, bon, après, il a quand même fait ce qu'il pouvait, le pauvre. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais. À sa décharge, en face, c'est le meilleur alignement du tournoi. C'est lui le seul sauteur de l'équipe, presque. Bah, c'est ça le souci, quoi. S'il y a personne d'autre à côté, parce que du sauteur, il saute pas trop, mais Strip AP aussi, il a fait ce qu'il pouvait, quoi. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut dans le jeu, qu'il avance pas, qu'il, voilà, en 6, il est quasiment inutile, quoi, mais, bon, en touche. Surtout que Girado a pas été top, en plus, hier. Contrairement au match d'avant. Il a chié 2-3 lancers. Donc, ouais, c'est. Après, bien. Me vient un truc aussi, mais, je l'aime beaucoup, hein, je l'aime beaucoup. Un euphémisme pour dire que j'aime pas du tout, mais, c'est Damien Traille avec 15 kilos de muscle en plus, mais Spedding, ses relances, j'en peux plus. Aller chercher le défi physique en non-stop, le mec va jamais essayer d'improviser quelque chose. Non, je vais tout droit, je pète dans le premier type venu, peu importe s'il me rend 50 kilos de viande, j'y vais, quoi. Personne lui rend 50 kilos. Bah, pourtant, au début de match, ça va, il m'a pas trop déçu, il a avancé un peu, mais bon, en fait, c'est tout le temps la même chose. Moi, c'est ça le souci avec lui. Après, c'est que. Brice Dulin, c'est pareil, c'est tout le temps la même chose. Plus efficace, mais c'est tout le temps la même chose. Bon, il a. Contre la Roumanie, on a vu qu'il prenait quand même quelques fois le trou, quoi. Oui, non. C'est différent de Spedding, mais Dulin fait tout le temps la même chose. Ah oui, d'accord. Bah, moi, j'ai pensé aussi à Spedding tout à l'heure. Je me dis, les pauvres Clermontois, quand ils vont avoir un match à Ben Danone et le match d'après Spedding, ça va être le jour et la nuit, quoi. Ils vont halluciner, les pauvres. Ils vont halluciner. Enfin, là, maintenant, ils sont prévenus, au moins. Donc. Oui, là. Non, mais bon, juste comme ça, Spedding, il a aucun match de H-Cup de Coupe d'Europe dans les jambes. C'est pas le seul dans cette équipe, hein. Tous les mecs du Stade français qui sont là n'ont jamais joué un match de Coupe d'Europe. Ouais, Atonou, son match référence, c'est la finale de Pro D2 contre La Rochelle. Ouais mais eux, ils jouent. Contre Agen, pardon. Eux, ils jouent pas, alors que Spedding est titulaire. Attends, Slimani, il est titulaire, hein. Ouais, mais après, ça fait que. Oui, mais bon, Slimani, c'est loin d'être le plus ridicule. Ouais. Je suis d'accord. Pas joué la H-Cup, mais il a joué des gros matchs de top 14 quand même aussi. Même s'il y a encore un échelon supplémentaire après. Du coup, peut-être un petit mot sur l'Italie. Honnêtement, j'ai pas trop vu leur match, à part contre la France. Il y a clairement une Italie avec Paris C, une Italie sans Paris C. Hein. Ah, c'est le jour et la nuit. Ah bah ouais, clairement. C'est. Ok, c'est résumé, donc. Finalement, j'ai envie de dire, on a eu de la chance qu'ils soient pas là contre nous. Ah bah, je me demande si on aurait gagné. Non, sans aller jusque-là, quand même. Mais on aurait souffert. Non, sérieusement. Quand tu vois le match qu'ils font contre l'Irlande, ils auraient fait le même match contre nous, parce qu'ils nous battaient, hein. Rendez-vous dans 6 mois pour le premier match de Noves. Je crois que c'est France-Italie. Oh, d'ailleurs, Paris, Stade Rome. De France. Paris. Je crois que c'est à Rome cette année. Non, c'est à Paris. Ouais, c'est à Paris. Je crois que c'est au Stade de France. Et les Roumains, peut-être un petit mot sur eux. Ou plutôt les Canadiens, peut-être, même s'ils finissent dernier. Ils ont peut-être plus séduit. Ouais, les Canadiens, ouais. C'est agréablement surpris. Comme je l'avais dit, il y a pas mal de joueurs qui viennent du 7, ça s'est vu. Notamment le numéro 10, là, Hirayama. Il y avait quasiment tous les trois quarts, les centres aussi, ils étaient pas mauvais, je sais plus comment ils s'appellent. Il y a le troisième ligne Moonlight aussi, qui est pas dégueulasse. Non, j'étais agréablement surpris par les Canadiens. Ouais, ils auraient pu choper deux victoires hein, contre l'Italie, ils sont vraiment pas loin, contre la Roumanie, ils sont remontés 15 points aussi. Je sais plus qui faisait la réflexion, mais ça aurait été très très drôle de les voir battre les Italiens pour voir comment ils auraient justifié le fait que les Italiens ne sont pas qualifiés directement pour la prochaine Coupe du Monde. Ah, ça aurait pu mettre un beau bordel dans les qualifs, quoi, déjà aussi avec les équipes du Pacifique. Oui, ça va déjà être un bordel. Ça va peut-être un peu négocier à droite à gauche, ouais. Et j'ai oublié d'en parler. Juste pour dire, le fanion de cette équipe, je suis ravi d'avoir encore pu voir Jamie Codemore prendre un carton jaune en Coupe du Monde, c'est toujours un bonheur. Donc, voilà. Puis quand il est venu écouter la combinaison contre les Français, c'était... Ah, c'est vrai, franchement, ça c'était énorme, ça. C'était excellent drôle. Aussi, ouais. Et après, il est allé dans le vestiaire des Français après. Genre, t'as appelé pour prendre une petite bière et tout, photo. Ah non. Il s'est incrusté comme ça dans le vestiaire. Un des gestes du tournoi. Bah justement, ça peut faire une bonne transition pour les tops et les flops du premier tour, non? Au moins que vous avez un dernier mot à dire sur la poule D? Visiblement, non. Bon, on va commencer par les tops. Je sais pas, balancer tout ce que vous avez sous le coude en vrac. Que ce soit de près ou de loin relié à la Coupe du Monde. Je vous écoute. Potaval, vas-y. S'il faut désigner, je désigne. T'es en train de réfléchir, tu vois. Moi, mon top... l'ambiance générale dans les stades de foot, au final, à part peut-être le stade olympique où c'était pas top, mais j'ai bien aimé l'ambiance à St. James Park, c'était vraiment sympa. Non, mais sur ce plan-là, plutôt une Coupe du Monde réussie, je trouve, au niveau de l'engouement autour et de l'ambiance dans les stades. Ah, et puis, ouais, il y a des publics qui m'ont régalé, quoi. Les Américains qui viennent déguiser à chaque fois, là, en Statue de la Liberté, Captain America et autres. Enfin, rien que pour ça, qu'ils soient là tout le temps, quoi, au moins, qu'ils amènent un peu de folie dans les tribunes, quoi. Très bien. Au suivant, okay, Max. Mon top, ouais, bah, alors, moi, ça va être une équipe, j'ai bien aimé, enfin, on en parlait tout à l'heure, mais moi j'ai bien aimé le Japon, franchement. Alors c'est vrai que contre l'Écosse ils ont pris une bonne, mais je les attendais pas du tout à ce niveau-là, et ils m'ont bien surpris quand même. Ou pas? Ouais, donc bon bah top le Japon, hein, comme tout le monde j'imagine. Aussi un petit mot sur Juanimov, qui est devenu le meilleur marqueur argentin en Coupe du Monde, avec 5 essais. Il passe des mecs comme Nani Corletto, je crois. Ah, c'était une belle époque. Et pour les flops... J'étais chaud là, j'étais lancé. Moi j'ai plein de petits tops, hein, mais Ali, vas-y. Alors moi, j'ai envie de dire retour du jeu. Voilà. Beaucoup qui ont osé jouer et qui ont été récompensés d'ailleurs. Japon, Canada. Beaucoup d'équipes qui ont joué. Moi j'ai trouvé, sur le plan du jeu, c'est une bonne coupe. Finalement, il n'y a que nous qui jouons pas. À voir pour les phases finales, bien sûr. C'est ça la petite crainte. Ouais. Mais bon. Moi, en top, j'avais Maradona dans le vestiaire des Argentins. Oh. À la fin du match. Excellent. C'était n'importe quoi. C'était juste trop, trop bon, quoi. Qu'est-ce que j'avais après? J'avais la réflexion de Nigel Owens à Stuart Hogg. Oui. Oui. Quand il lui dit que s'il veut simuler... Pas que, aussi à Sirakajvili aussi. Il en avait fait une. Et c'était... Mais je crois qu'il y a... Si ouais, hier soir aussi, je sais plus, un Irlandais, je crois, il lui fait, je sais plus ce qu'il lui dit, mais il lui fait une petite réflexion sympa. Ouais, vraiment. Il a des bonnes remarques, ouais. Pour rester sur les arbitres, Monsieur Garcès, l'arbitre français, excellent. Il va peut-être sauver l'honneur du rugby français en cette Coupe du Monde. C'était lui qui était Japon-Afrique du Sud et Pays de Galles-Angleterre en plus, donc il arbitre les surprises, quoi. Donc je sais pas si la désignation des arbitres est tombée encore ou pas, mais... À mon avis, il a ses chances pour arbitrer un gros match. Quoi. D'ailleurs, apparemment, il a eu la visite des Anglais à la mi-temps du match contre l'Australie. Ouais. Ça, c'était Poit, gens... je crois. Ouais. Des gens si fair play. Je crois que c'était Poit contre. Ah oui, c'est vrai, c'était Poit. Ouais. Oui, oui. Mais Poit n'a pas été mauvais non plus sur ce match-là, Gare, d'ailleurs. Gaëuzer non plus, dans l'ensemble. Donc, ouais, moi, Poit m'avait un peu gonflé sur Nouvelle-Zélande-Namibie de mémoire. Mais... Après, ouais, je pense qu'ils ont leur chance. Je crois qu'il n'y a que deux arbitres français dans l'histoire qui ont arbitré des matchs à élimination directe. J'ai vu ça, je sais plus. Là, sinon, un petit mot sur Brian Amala, quand même. Okay. Aussi, ouais. L'homme aux deux essais sur 15 en phase finale. Si je peux taquiner gentiment. Alors que bon, Lomu, par exemple, il a gagné 4 ans et demi. Ah, mais lui, il a gagné Ah, ouais, mais bon. C'est vrai. Il va peut-être même la gagner deux fois. Mais ouais. Et Abana a joué plus de matchs aussi que le. Ouais, 3 contre. Après, en coup de cœur, j'ai aussi la joie des petits pays quand ils marquent un essai. Souvent, on a vu des. Ah oui, le Uruguay qui marque son premier essai hier. Ils sont tous sautés dessus. Enfin, c'était pareil pour, je sais pas, les Géorgiens contre les Blacks, les Nam, tous ceux qui ont marqué contre les Blacks, c'était comme des fous, quoi. J'en ai un qui me vient là aussi, mais quand Gorgodze a été élu homme du match contre les Blacks. Ouais, il est lui-même étonné que tout le stade le... L'acclame, ouais. Millennium c'était... en plus, je crois, c'était... C'était sympa, ouais. C'était, ouais, c'était super sympa. Ouais. Un petit mot aussi, Isabelle Iturburu, voilà, au top, quoi. Ah, je... Toujours. Voilà. Un décolleté, notamment, aux alentours du 27 septembre. Je recommande le replay pour messieurs. Ouais, voilà, c'est parti. Dans ma liste des favoris pour les pour mes sessions branlettes actuelles. Oh. Bon, sur ce, on va peut-être pouvoir passer au flop. Hein, sinon, assez... j'avais la météo aussi, parce qu'il y avait quelqu'un qui prédisait un mondial dégueulasse sous la pluie. Pour l'instant, ça c'est va. C'est Val, je balance, c'est Val. Ah oui, ouais. C'est pas impossible, oui. Ouais, bah, j'espère que ça va pas commencer maintenant. Comme quoi, le réchauffement climatique, ça a du bon. Tu vois, on va se taper une finale sous la pluie, 9-6, quoi. Et on va tous s'éclater. Alors, niveau flop, qu'est-ce que vous avez? Alors, moi, le niveau de commentaires français, en règle générale, enfin... Bon, j'ai fait un top 5 des pires, mais bon, il y en a 4 de TF1, donc ça va pas être facile, mais... Vas-y, donne-le, si c'est possible. Mon top 5 des pires, le pire, je pense que c'est Thierry Lacroix. Moi, c'est Thierry Lacroix, le pire. Ah bon? Ouais. Alors déjà, le mec s'est acheté du rire au kilo, c'est son meilleur public, il rigole tout le temps, il rigole qu'à ses blagues. Commentateur et consultant, hein. C'est pas pareil. Je peux confondre consultant et gros débile aussi, parce que lui, là... Oh, il me fatigue là. D'ailleurs, on risque de l'avoir pour le match des Sud-Africains samedi, ça va être un régal, je crois. On va se régaler quoi. Il est tellement fan d'eux. Après, il y a Christian Jean-Pierre, Fred du Christian Jean-Pierre, c'est notamment sur son idole Mike Brown, c'est quand même fabuleux. Laporte, je sais pas si vous avez remarqué, mais le mec est clairement en mode je suis candidat à la fédération. Le nombre de fois qu'il salue, et je remercie pour le bon président machin d'Albi qui a fait ce tournoi là et tout, mourir pile. Et puis on a un de Canal, là, je crois que l'abruti qui présente les topics sur Jour de Coupe du Monde. Et puis voilà, le larron de la croix là. Non, j'ai. Enfin, Guillaume Garry. Ouais, c'est ça, ouais. Et un peu, enfin, pour les commentaires là, je trouve que parfois c'est un peu indigne quoi. Ils te prennent les gens pour des débiles avec les fameux on rappelle la règle, ça va, c'est bon, des matchs, il y en a 4 tous les jours depuis 4 semaines. Ah non, François Trio, non, plutôt. Non, Garrigue. Ah, Trio, ça va, je m'y suis fait à force. Mais après, pour la règle, sur TF1, ils passent pas beaucoup de matchs, donc je peux comprendre pour le grand public. Malheureusement, c'est leur rôle, quoi. C'est vrai, quand tu regardes les matchs, enfin, ta Canal, tu regardes les matchs souvent, tu connais, mais bon. S'ils veulent espérer choper un peu de public, ils sont obligés de... C'est vrai que quand tu regardes les matchs pour la première fois, ça peut être un peu barbare, quoi. Surtout quand tu vois la France. En petit flop, mais ça c'est des petites piques. Mais sinon, ça c'est que 4 commentateurs. Hein. Oui, il y a Garrigue, et l'autre, je sais plus son nom, celui qui commente avec la croix, mais c'est assez plat et insipide aussi. C'est Nicolas Delage, je crois, qui est sur Eurosport d'habitude. On le salue aussi. Ça prend des deux d'habitude. Hein. On le salue s'il nous écoute. Et sinon, généralement, j'ai entendu des trucs tellement improbables ces derniers jours, notamment un ancien ministre des Sports et pharmacien de renom qui te dit que parce que Toulon a battu 2 fois le Leinster et que Toulon est plus fort que l'équipe de France, on va forcément casser la gueule aux Irlandais. Enfin, merci Bernie, mais quand même, parfois, t'es un peu lourd, quoi. Mais en fait, il nous manquait quoi? Bota, Lee Williams, Stéphane Arquette, Tito, pour les battre, quoi. Sinon, on peut le faire, hein. Voilà. Ça se joue à rien, hein. Hermitage. Voilà, il nous manque juste 2-3 joueurs, quoi. Carleman, et voilà, quoi. Bon, je vais prendre mon Prozac, je reviens. Allez, au suivant. Bah, allez, ouais, donc moi, mes flops, le Sweet Low Sweet Chariot à toutes les sauces. J'en peux plus. Et à tous les matchs en plus. Ouais. Et l'interdiction des cornemuses dans les stades. Ils ont massacré le Flower of Scotland. C'était horrible à entendre. C'est vrai. Ouais. Et voilà. Limite pire que. C'était en foot, mais. Oui. C'est tout aussi désagréable. Max. De quoi les cornemuses? C'est désagréable. Cornemuses, au bout d'un moment, ça. Ouais, mais pour les. Ah, non, mais la cornemuse, tu l'as vu. La cornemuse, oui. Max, un petit flop? Bah, je vais. Pas encore trop tapé sur les Français puisqu'on est en quart, mais sinon il y a les Anglais déjà, mais bon, comme on l'a dit, c'était un groupe assez relevé, ou sinon les équipes du Pacifique, Samoa, tout ça, franchement ça a été à part, comme on disait, les Fidji, mais bon voilà, les deux autres, ça a été vraiment notamment les Samoa que j'ai pas du tout aimé, quoi. Ça m'a, quand je les vois jouer, je dis ça va être dur pour revenir dans 4 ans, quoi. À voir, ouais, avec les qualifs. Ali. Alors moi, ça sera l'utilisation à tort et à travers du TMO, arbitrage vidéo. Très bon choix. Je trouve qu'il y en a trop. Est-ce que c'est propre à la Coupe du Monde? Qu'il y en a trop. C'est pas propre. Des fois, c'est vraiment inutile, quoi. Faut vraiment clarifier un peu plus l'utilisation. Et encore, nous à la télé, encore, donc on s'ennuie pas trop. Mais quand t'es au stade, c'est vrai que c'est des fois, tu sais pas du coup ce qu'il y a regardé. Et des fois, ouais, c'est interminable, quoi. C'est apparemment, interminable. Ça a dû coûter cher, il a fallu le rentabiliser, donc il nous sort 15 fois par match, quoi. Donc moi, en flop, si je peux me permettre, j'en ai un. Je pensais que Potava l'aurait fait, c'est qu'il n'y a quand même pas eu une petite générale, quoi. Ça a manqué. Genre une petite générale entre Georgien et Tonguien. Bon, après, je comprends, c'est la Coupe du Monde. C'est beaucoup regardé, ça se fait pas trop. Oui. Même si O'Brien, quand même, a sauvé un peu l'honneur hier, quoi. Moi, je suis déçu par les retrouvailles de Papé avec l'Irlande. Ben, ça a vite tourné court, quoi. Il y avait un potentiel à mornif, là, c'est impressionnant, là. Mais... Ah, il a même pas répondu, quoi, la déception. Il devait vraiment croire qu'on pouvait gagner, quoi. Il était dans un bon jour, un rhume de cerveau, ça l'a remis un peu intelligent. Donc, ouais, c'était la petite déception. Et après, ouais, les retraites forcées de certains joueurs sur blessure. Ouais, De Villiers, malgré tout, ne méritait pas une sortie comme ça. Woodcock, pareil. Peut-être O'Connell aussi. C'est vrai que ça fait un peu chier, quoi. Ouais. Mais bon, ça, malheureusement, on peut pas le mettre. Il Il prend pas sa retraite, quoi. J'espère pour lui qu'il va revenir. Laisse Antonio Banderas tranquille. Ouais, je le lâcherai pas. Du coup, est-ce qu'on passe à l'équipe type de ce premier tour? Non, moi, j'en avais un tout petit flop en plus. Bah, c'est le double AK tongien néo-zélandais, là. J'étais très déçu que, comme il y a 4 ans, il le lance pas en même temps. Parce que c'était vraiment la dimension de l'affrontement les uns les autres. Là, qu'ils les fassent en successive, j'ai trouvé ça un peu pourri. Ils le font plus, hein. Ils l'avaient fait en 2003, c'est tout. Ah, c'est bien dommage, je trouve. Et du coup, pourquoi c'est les Néo-Zélandais qui le font en deuxième, par exemple, et pas en premier? Enfin, je sais pas si quelqu'un connaît la réponse. Du match, non? Ouais, je sais pas. Enfin, j'ai pas vu en plus. Donc. L'ordre des hymnes. Ouais, c'est une question con, hein. Mais c'est juste si. Chercher bien loin. Ouais, ouais. Par ordre alphabétique. Non, mais ouais, j'ai pas regardé, donc je savais pas que c'était comme ça. Du coup, on passe au 15 type. Enfin, le 15, c'est un 15 assez large, je crois. Parce qu'on a tous plus ou moins des noms. Donc, on va commencer par la première ligne. Potaval, si t'as quelques piliers et talons à nous soumettre. Alors, moi, en numéro 1, j'ai le Fidjien Campese Mahafou. En numéro 2, j'ai Leonardo Ghiraldini, l'italien. Et en numéro 3, le sémillant japonais Hiroshi Yamashita. Donc toi, tu as pris que des joueurs qui étaient éliminés, je crois, c'est ça? Ah ben, on m'a dit, tu fais une équipe du premier tour, ben je prends que des mecs qui ne sont restés au premier tour. Ouais. Qui a d'autres noms à soumettre? Bah allez, moi. Donc pour mes piliers, j'avoue, j'ai pas trouvé grand monde. Donc par défaut, je vais mettre Benabrous et Slimani qui ont fait leur match. Honnêtement, j'ai Slimani aussi dans mon équipe type. Et au talon, j'ai Agustin Krivi. Et moi aussi. Du coup, tant que j'y suis en pilier gauche, par contre, j'ai mis Scott Sio, l'Australien, pour récompenser un peu leur mêlée. Quoi. Ali, Max. Moi, en talonneur, j'aurais mis Rory Best. Oui, il est tout bon. Il est tout très bon. Et... C'est tout en phase statique, comme ils disent. Il est incontournable. Quoi. Et Ali, d'autres joueurs Moi, en 1, j'avais Mahafou aussi, comme Potaval. Pilier droit, j'avais mis Kepu, moi, l'Australien. Je trouve vraiment très bon. Et talonneur, j'ai mis japonais Shota Horier. J'ai trouvé pas mauvais. Eh, hey, j'étais pas loin d'avoir raison. Hein. J'avais misé sur un japonais, un fidjien, un géorgien. Il me manque le géorgien. Le talonneur japonais, c'est le frère de l'arrière-droit parisien ou pas? Excellent, excellent. Deuxième ligne, du coup. Pardon. Deuxième ligne. Allez, qui nous propose? Eh ben, moi, je continue dans mes méga exotiques. Nakarawa en 4, et par contre, le seul anglais que je trouvais digne de figurer dans cette belle équipe de bras cassés, Geoff Parling. Ouais, Nakarawa. Nakarawa monstrueux, quand même. Moi aussi, j'ai Nakarawa. Je l'ai aussi. D'ailleurs, c'est moi qui lui ai conseillé. Allez pas vendre la mèche, espèce de petit. Ah ouais, mais monstrueux, c'est là. Pas seul, hein. C'est charge à une main, là. C'est offload et tout. Et à côté, j'ai hésité entre Alun Ingrams et Rob Simons. Moi, à côté, j'ai mis un Sud-Africain, que ce soit De Jager ou Ed Sebes, les deux. J'ai failli mettre en les deux aussi, mais moi, j'ai mis Henderson, l'Irlandais. Ouais. D'ailleurs, ça m'a choqué qu'hier, Laporte semblait découvrir. Quoi. Il le connaissait oui. Pas. En plus, le mec, c'est pas il est quand même entraîneur d'un club qui joue en Coupe d'Europe, qui est 3 fois champion d'Europe. C'est surtout, c'est pas comme s'il l'avait joué l'année dernière, en plus. À la limite, ils connaissent pas les mecs de Namibie, Canada, je veux bien, mais un mec qui est en équipe d'Irlande, quand même, ça m'a sur le coup... Ça m'a mis un peu sur le cul, quand même. Après, Irlandais et Suda font quand même deux paires de deuxième ligne. Wow. Faut aller les chercher, ouais. Ouais. faut aller les chercher. Deux espèces de poutres taillées dans du chêne, quoi. Du robuste, du massif, tu sais. des dos larges comme des tables campagnardes. Franchement, on propose ta candidature à la place de la Croix. Hein. Mais avec moi, vous ririez au moins. Mais après, je suis pas sûr que le CSA apprécie les sorties sur les Roumains et autres. Hein. Bon, ils ont pas ces matchs-là, TF1, ils s'en foutent. Ah, très bien, je vais candidater. Ok, on passe à la troisième ligne. Il y a pas mal de joueurs qui sont mis aux valeurs, donc je pense qu'on va avoir un panel assez large. Max, oui, peut-être, pour commencer. Moi, bah, en 8, je commence pas en 8. Alors, c'est vrai qu'hier, il a pas fait un grand match, mais bon, comme toute l'équipe de France, mais j'aurais bien mis Picamol, moi, j'aime plutôt bon. Voilà, quand il avait les ballons, il essayait toujours de faire quelque chose avec. C'est peut-être un des seuls. C'est clair. Voilà. Moi, j'ai trouvé un nouveau surnom pour lui, le cache-misère. Ouais. Ça lui va très très bien. Le cache-chouli, quoi. Du sautoir. Hein. J'avais mis du sautoir aussi. Et après, bah, avec eux, alors, bon, hier il a fait un geste dégueulasse, mais voilà. O'Brien, j'aime bien. J'ai bien aimé aussi ce coup. Oui, il a fait plus que le boulot, quoi. Qui a d'autres joueurs à lit, peut-être? Alors, moi j'ai en 6 le japonais Michael Leach. Ok, qui l'a aussi? Oui, je l'ai. Oui. Moi aussi. Dans mes improbables, il est là. En 7, mais bon, c'est pas vraiment là où il joue, mais en sélection, mais j'ai mis Pocock. Moi aussi. Énorme. Ouais, moi aussi, je l'ai. Et en 8, un petit Gorgodze. Pareil. Qui a tenu la baraque, ouais, Georges. Moi, je l'ai Gorgodze, mais en 7. Ouais, bah, vas-y, moi, nous. Ouais. Ton 8, tant qu'à faire. Ah, vas-y. Le 8, bah, Paris C. Pour le changement total de visage qu'il donne à son équipe et le fait que c'est probablement un des meilleurs à son poste à l'heure actuelle. Bah, moi, en flanqueur, j'avais Poco qui est Hardy, qui est écossais. Et en 8, j'avais hésité entre Gorgodze et Picamol. Et là, je viens de penser à Mike Hooper aussi. Oui, Hooper. Et moi, j'avais un petit Burger aussi sur les remplaçants. Qui se refait une petite santé tranquillement. La charnière. Un peu du mal avec la charnière, perso. Je sais pas vous. Tius Bortales. Pareil. La charnière, elle est venue toute seule. Bah vas-y, alors, à toi l'honneur. Bah, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc régler le doigt à la mêlée. Et en 10, j'avoue avoir longuement hésité entre Bigard et Follet. Moi aussi. Et je sais toujours pas lequel choisir. Bah moi j'ai mis Bigard, malgré le fait que son équipe ait perdu contre l'Australie. J'ai trouvé qu'il avait fait, sur un plan individuel, un match un peu mieux que Follet, qui a eu pas mal de déchets, quoi. Et pour la Macarena aussi. Ah, attends, Bigard. Mais Bigard, à chacun de ses matchs, il met le paquet. Fallait la faire. Un beau morceau de viande, quand même. Il est saignant. Fallait la faire. Du coup, est-ce que quelqu'un a un autre 10? Ah, moi, j'ai mis Bigard, mais j'avais plein de noms aussi, d'autres noms. Je pense Finn Russell, l'écossais, il m'a bien plu. Même Sanchez, l'argentin aussi, j'ai trouvé vraiment très bon. Donc, mais j'avais mis quand même Bigard. Pas de Michalak? Ah, il nous aura fait espérer pendant 3 matchs. Et une percée contre l'Irlande. Avant que ces lacunes défensives soient mises au grand jour. J'avais Pollard aussi, quand même. Qui a fait... Moi, j'ai trouvé. Bof. Enfin. Ouais, dans ce qu'il tente de faire. Il pouvait faire. Et en 9, du coup, à part l'Edlo. En 9, bah, moi, j'ai le meilleur actuellement, Aaron Smith. Quoi. Il est tellement au-dessus de tout le monde, je trouve. Plus un. Et en 9 aussi, j'ai une petite mention pour le géorgien Lobzanidze, qui a 18 ans, c'est pas dégonflé. Il avait fait un super premier match en plus. C'était contre les Tonga justement, ouais. Il avait fait un match plutôt sympa, ouais, pour son jeune âge. Moi, j'ai aucun de ceux que vous avez dit pour le 9 et le 10, de manière assez surprenante. Bon. Forcément, on a dit que des qualifiés aussi. Ah oui. Donc en 10, moi j'ai Hirayama, du Canada. Intéressant. Et puis en 9, je préfère saluer le courage et puis un peuple qui a beaucoup souffert, notamment dans ma bouche. Florin Surugiu, là, le petit roumain qui a. Le gol de Paris, non? Oui, absolument, son frère. Son frère voleur de poule, donc, et qui a quand même eu les bollocks bien accrochés de demander sa copine en mariage devant 80 000 personnes. J'aurais kiffé qu'elle dise non, histoire qu'il se retrouve comme un con la mâchoire en bas, mais malheureusement elle a dit oui. Donc, a pleuré sur son feu rouge. Voilà, c'est ça, pleurer sur son feu rouge, oui. Donc voilà, je leur souhaite une belle vie dans leur caravane. Oh putain, horrible. Horrible. Et tant qu'à faire, pour vite changer de sujet, aussi une petite mention pour Dupress quand même, qui a fait le job. Qui a fait, ouais, le job, vachement mieux que Pinard finalement. C'était, waouh. On savait pas trop où on était après son exil au Japon, et bon, il a l'air d'avoir... Encore du gaz. Ouais. Quelques l'amour est dans le presse. Excellent. On passe au centre du terrain. Alors, Qui se lance? J'y vais. Vas-y. Donc moi j'ai Sonny Bill Williams et Jimmy Roberts. Il faut les prendre aussi quoi. Faut se les taper quoi. Prendre tout un match. Faut se les taper pendant tout un match. Enfin, Jimmy Roberts franchement deux ans. Jimmy Roberts c'est le frère de celui que j'ai vu pendant deux ans. Ouais bah comme Lydiat aussi. Comme Sexton. Comme Sexton. C'est vrai que rares sont ceux qui ont bien marché en France quoi. Moi au centre de terrain j'ai mis deux portes de saloon. Ray Lilo le Samoan et Simus Kelly le mec des États-Unis. Voilà. J'avais mis Roberts, mais j'avais mis Manonou. Bon, là aussi, il n'y a pas grand chose à acheter. Hein. Non. Ouais. Pas grand. Moi, j'en ai deux qui n'ont pas été cités. J'ai Dealande. Oui. Comme moi. Et deuxième, j'ai Botia. Par contre, je sais pas si tu l'as, celui-là. Botia, non. Moi, j'ai mis Keith Ernst. Ouais, mention spéciale à Botia qui n'a pas pris de carton jaune. Et ouais, et pourtant, moi, j'ai trouvé qu'il a foué que les deux derniers matchs, je crois, mais il a bien amené défensivement. Il était assez précieux dans les rocks et tout. Beaucoup mieux que Lovo Balavu, quoi. Ouais, mais je l'ai fini depuis longtemps. Ouais, mais bon. Il a été titulaire d'entrée, quoi. J'ai bien aimé aussi, Vas-y. Petit japonais Tatekawa. Voilà. Je fais du très bon café. Ou sinon, il y a Michel Lidze, hein. Qui ça? Michel Lidze. D'ailleurs, il a pas marqué d'essai. Petite joke. J'avais prévenu que. Fallait pas s'attendre à grand chose et. Il a eu un essai refusé contre la Namibie. Ah, j'ai pas vu le match. Ah merde. Il aurait pu arriver en pleine confiance à Agen. Pour jouer avec les espoirs, ça aurait été précieux, je pense. On jouait pilier d'ailleurs, les espoirs. Bah non, il va faire mal aux autres en face. Les ailiers. Il y a eu quelques beaux noms qui sont mis en valeur. Allez. Bah allez, je passe en premier encore. Donc le Canadien Van der Merwe. Et tout le monde l'a, lui. Oui, lui, tout le monde l'a, oui. Oui. Même moi. Et Miller Skudder. Pas mieux. Ah bah, pareil. La même pour moi. Ah, moi, j'ai mis un tongien parce que sinon, il n'y en avait pas dans mon équipe. Telusa Veahinu, sous les conseils de Hopa. Ouais, il était énorme, lui. C'était contre la Namibie, je crois. L'Argentine. Non, la Namibie. Contre l'Argentine aussi. L'Argentine, j'ai pas vu Tonga Argentine. Et contre la Namibie, il a mis un sacré essai, je crois. Et après, des mentions spéciales, peut-être. Élémentaire, mon cher Watson. Juanimo, Santiago Cordero, Abana, Savia quand même. Pour le record au moins. Du coup c'est bon. Il reste donc le poste d'arrière. Donc là j'ai un peu galéré aussi, je sais pas vous. Et ben moi j'ai Ayumu Goromaru, le japonais, qui apparemment est devenu une énorme star au pays. Potaval là aussi. Non, moi j'ai mis Mike Brown aussi. Mike Brown. Ah, c'est vrai qu'il est éliminé, ouais. Putain, ah, ouais. Je m'y fais pas, je m'y fais pas. Moi aussi j'ai Mike Brown ou Nanai Williams de Samoa. Bof, Nanai Williams. Oh. Ouais, j'attends la plus. Après j'ai vu que les deux premiers matchs, donc peut-être que sur la. Peut-être qu'il a merdé après, je sais pas. Bah, contre. C'est terrible, je crois. Je te fais confiance. Donc, ouais, on a donné beaucoup de noms en vrac, on a peut-être oublié certains même. Je suis déçu de ne pas avoir trouvé un Namibien ou un Uruguayen pour avoir fait vraiment balayer tout le monde, mais bon, c'est le jeu. Bah, je t'avais dit de mettre Johan Deiser. Ouais, c'est vrai que les pauvres. Bah, Namibien, il y a bien Burger, mais bon, le pauvre lui aussi, ouais, derrière, il a fait sa retraite internationale sur KO, quoi. Pas la sortie idéale non plus, quoi. T'aurais pu mettre Rete Lingwis, le Namibien, pour sa pénalité tentée. Faire rentrer en fin de match quoi pour la pénalité de la gagne. Non, ou sinon leur numéro 8 aussi il était pas mal. Je sais pas comment il s'appelle. Oui. Botma, non. Botma. C'est pas ça. Ouais. Ah, oui. Il y avait un Botma en 3ème ligne qui était sympa. Ouais. Ah, il a fait un très gros match contre la Géorgie. Allez, le chrono tourne, on va passer au sérieux quoi, aux phases finales. Premier quart de finale, samedi 17h, Afrique du Sud, Pays de Galles. Une boucherie en enfin une boucherie, pas une branlée mais un match rugueux on va dire. À attendre. Avec les bocs, ouais. Forcément. Ça va cogner fort, ouais. Ça va cogner très très fort. Je pense qu'ils vont mettre le paquet, ouais, sur le. Sur Bigard. Sur Bigard. Ouais, allez, cadeau, celle-là. Par contre, les Gallois, ils ont encore de la place dans l'infirmerie parce que je pense qu'ils vont peut-être en mettre 2-3 mecs après la fin du match, je pense. Ouais, j'ai vu là, l'instant que Liam Williams, c'était fini pour lui. Ouais. Non, mais oui, les bocs, je pense. Les box sont en pleine confiance et puis bah ouais, puis il y a 8 blessés entre la prépa et la compétition. Puis tous au même poste quoi, donc et en plus ils vont se retrouver avec des mecs qui jouent, je sais pas où est-ce qu'ils vont jouer les mecs. Bah du coup qui va jouer à l'aile là, à moins qu'ils refoutent North et qu'ils mettent Tyler Moore. Ils vont rappeler un mec, je pense. Ils vont rappeler un mec à mon avis. Ouais mais ça va faire Ils avaient appelé Walker mais il s'est blessé, moins que. Je sais même pas qui est-ce qui reste. Si, Tom James, le mec de Cardiff. comme ça. Ou Sean Williams qui sort de sa retraite, peut-être. Sinon, qui fait l'avocat du diable qui remplace Quinn pour essayer de convaincre les gens que les Gallois peuvent gagner? Bah, moi je pense que ça va être serré et je pense que les Gallois peuvent gagner. Ça va être compliqué, hein, ça va pas être. Comment fait Millennium? C'est à Twickenham. C'est à Twickenham. Ah. Comment il pourrait gagner? Si tu peux essayer d'imaginer un scénario. Bah, une météorite tombe sur le terrain. Parce qu'on a quand même vu sur les matchs, par exemple, contre l'Australie, ils s'entêtent pas mal à passer dans l'axe, et bon, contre les box, à mon avis, c'est peine perdue, quoi. Surtout qu'ils étaient en surnombre contre l'Australie, on s'attendait peut-être à un jeu un peu plus. Oui, bon, après, c'est un match, effectivement, et l'Australie, pour moi, est clairement supérieure au box, quoi. Pour moi, c'est. Je te dirais que leur salut, c'est si jamais ils ont la balle, c'est peut-être le fait que défensivement, les Sudaf sont un peu moins disciplinés que les Australiens et que du coup, il y aura peut-être des opportunités pour Bigard histoire de prendre le score. Mais ça sous-entend qu'il faut qu'ils aient énormément le ballon et tous les absents qu'ils ont, j'ai un peu du mal à y croire. Bah, on va dire que les absents, c'est peut-être le point noir, effectivement, parce qu'ils commencent à les enchaîner, donc ça peut être compliqué. Mais après, moi, dans le jeu, je les ai pas vraiment trouvé mauvais, quoi. Bah, à part contre effectivement contre l'Australie, mais bon, l'Australie à 13, ils ont défendu comme des malades, donc. D'ailleurs, tant que j'y pense, je rappelle qu'on enregistre le podcast en début de semaine et qu'on n'a pas d'infos sur les compos, rien du tout, quoi, les blessés. Ouais. Ça peut un peu influer nos pronostics, notamment pour l'Irlande tout à l'heure. Bref. Et puis d'ici là, que Bigard se blesse, là, ça peut devenir compliqué, effectivement. Mais sinon, je mettrais une pièce quand même sur eux. Après, un truc qu'on peut pas leur tirer, c'est leur mental quand même. C'est que ça, ils lâchent jamais rien et ils sont toujours imprévisibles. Ouais. Et l'an dernier, d'ailleurs, pour donner une petite touche d'espoir, bon, c'était le dernier match de l'année des Sud-Africains. C'était hors contexte, je crois même international, c'était début décembre ou fin novembre. Et ils avaient battu les box chez eux 12-6, donc un match ouvert, rempli de jeux. Donc du coup, il y a 4 Sud-Africains et un Pays de Galles, c'est ça? Pour résumer, moi je suis Afrique. Qui va oser mettre la France maintenant contre la Nouvelle-Zélande samedi 21h? Allez, je vais dire moi, histoire de. Comme c'est mon anniversaire, on va dire que je m'attends à tout. Une petite surprise pour mon anniversaire. Bah, t'auras un beau cadeau dans tous les cas, quoi. Soit il gagne, soit Saint-André s'en va. Donc. Mais bon, je me fais pas d'illusions. Là encore, la même question que les Gallois. Peut-être encore plus pire, ça se dit pas, mais. J'ai pas le mot là, comment on peut faire pour gagner ce match? Il faut qu'on soit meilleur en touche, meilleur en mêlée, qu'on fasse plus meilleur de passes. Meilleur partout. Ouais, enfin, c'est ça quoi, qu'on soit meilleur partout. La défense, moi, ça passera surtout par la défense, je pense. Ouais. un Thierry du sautoir retrouvé qui va te gratter des ballons. Mais après, c'est de la transformation rapide pour aller porter le danger chez eux, et ça, j'ai pas l'impression qu'on soit très capable de le faire. C'est un peu. Moi, je dirais qu'il faut faire un peu près le même match qu'en 2007, mais sauf que, ouais, grande folie, je sens qu'on l'a pas cette année. Moi, je te dirais qu'il faut faire le même match qu'en 2007, mais qu'il faudra pas qu'un du sautoir cette fois-ci, il en faudra peut-être deux ou trois. Ouais, c'est ça, en plus, en 2007, on a eu les petits faits de jeu favorables, oui, et on avait. On avait autre chose dans l'équipe aussi, comme tu dis, grande folie. Non, la compo, quand même, ça fait peur, hein. Si on compare 2007 et maintenant. Le seul suspense qu'il y a, c'est voir si les Français vont répondre au AK, comme on le fait depuis. Ah, mais c'est déjà annoncé, ça. Ouais, d'ailleurs, sur Twitter, il y a un hashtag, qui, je vous invite à aller voir, c'est assez marrant. Non, mais l'officiel, on sait ce qu'ils vont faire. Ah, ils ouais vont mettre 15 watt bike devant eux, ils vont pédaler comme des arbres. Ouais, bah, allez sur Twitter, voir le. Est-ce qu'ils vont se mettre en V ou pas avec les watt bike? C'est ça la question. En flèche. En flèche, pardon. Déjà, je m'attends à voir partir Capao Pango. Oh. Tu penses qu'ils nous craignent à ce point? Ouais, je pense qu'ils. Bah, ils veulent prendre leur revanche, quoi. Mais peut-être qu'ils nous craignent pas trop, mais. Ils veulent montrer qu'ils prennent pas à la légère. Ah, mais je sais pas, je pensais que c'était une question de crainte, mais les matchs entre la France et la Nouvelle-Zélande, c'est un peu une sorte de rivalité, malgré tout. Je pense qu'ils vont le sortir. Je pense que c'est pour nous. Ouais, je te dirais, c'est pas de la crainte, c'est plus du respect pour l'équipe qu'on a été, mais pas celle qu'on est. Quoi. Pour ceux qu'on représente dans leur culture à eux, le fait de les avoir fait tomber pendant des années. Et je pense que pour ça, ils nous respectent. Maintenant, on doit les faire rire, quoi, quand ils voient nos matchs. Quoi. Ah, bah ça, c'est sûr qu'à la vidéo, le mec, il a dû galérer, quoi. Il a fait des trucs. C'est bon, bah, qu'est-ce que je leur montre, quoi. Il a dû galérer. Carter, quand il voit jouer Thalès, il se demande ce qu'il vient foutre au Rafinha. Ouais, ben, je pense qu'il ne doit pas trop s'inquiéter pour sa place. D'ailleurs, Thalès, il est rentré, voilà, 50e hier, et on l'a pas vu. D'ailleurs, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai dit, bon, ben, ok, tu sais, il se fait tourner, il s'attend à perdre, tu sais. Il met au repos tout le monde pour le quart, quoi. Enfin bon, on va pas remettre le couteau dans la plaie de ce match-là. On va se tourner vers l'avenir. Moi, j'attends, si on doit sortir une sortie honorable avec un match un peu fou, peut-être comme celui qu'on a fait à Twickenham contre les Anglais, et puis si on sort comme ça, les armes à la main, tant mieux, quoi. Quitte à se prendre 40 points dans la tronche, autant y aller à fond. Pas avoir de regrets. Apparemment, Joe Smith aurait dit en off après le match que l'équipe de France avait à certains postes des meilleurs joueurs que lui, mais que le sélectionneur savait pas s'en servir. Avec ça m'avait fait marrer, ça. Le vivier de France à l'Irlande et la France, c'est incomparable, de toute façon. Individuellement, on a des joueurs. Enfin, on en a pas beaucoup. Mais c'est ce que t'en fais. Que t'en fais généralement, quoi. C'est l'équipe que tu construis après. Même par rapport aux Gallois, on a vachement plus de joueurs qu'eux, hein, au final. Ouais, c'est voilà. Comment tu transcends. Peut-être moins de grands joueurs, mais niveau densité, homogénéité, les Gallois et les Irlandais, on est mieux fournis qu'eux, mais c'est vrai qu'après. Il y a plein de trucs off. comment tu motives tes gars, enfin, voilà, la remise de maillot de Saint-André, oh là là. Enfin, lame de rasoir fournie, quoi, les gars. Eddie, bon maillot. Pascal, bon match. Ce segment, vous avez été sponsorisé par les lames Wilkinson, quoi. Ah ouais, non, mais moi, les souvenirs que j'ai de remise de maillot, c'est quand tu voyais jour de Brennus, on en parlait en off avant, quand tu vois Rabadan qui remet le maillot à Paris C et tout, t'as envie de chialer, limite, quoi. T'as des frissons, t'as les poils qui se hérissent, mais là, il y avait rien, quoi. C'était machin, tiens, viens chercher ton maillot, bon match, allez, retourne t'asseoir, merci, au revoir. Je sais pas si ça va être comme ça contre les Blacks, mais qu'est-ce que tu veux que les mecs, ils soient... Je sais pas, il y a rien, quoi. Enfin, je sais pas. T'as l'impression qu'ils sont même pas heureux d'être là, quoi. C'est ça qui est horrible pour eux, quoi. Et même sur le terrain, ça se voit, quoi. Tu le ressens. Ouais. Je me souviens, pendant le tour de son destination, on avait parlé de sa conférence, des conférences de presse de Saint-André. On a dit, s'il est comme ça dans le vestiaire, ça doit pas être top, quoi. Et en fait, il est vraiment comme ça, en fait. la gueulante qui pousse, là, contre qui c'était le Roumanie, je crois, non? Cette voix de chaton. Cette voix de chaton. Canada, ouais, bon, on les a tous fait, comme ça. Ouais. Mais ouais, ça faisait pas très peur, quoi. Donc, bon. T'as clairement, t'as des joueurs qui ont envie de te taper des barres, quoi. Enfin, moi, j'espère qu'on va pas gagner, parce que l'horreur, si on gagne, tout le monde va croire qu'on est sur la bonne voie, on va rien changer pendant 4 ans. Ça veut dire qu'on va se taper Saint-André deux matchs de plus. Et dans 4 ans, ce sera la même galère encore, quoi. Donc, j'espère vraiment qu'on va pas. Enfin, c'est horrible de dire ça. Même au fond de moi, je le pense pas, tu vois. Mais c'est tellement horrible qu'on gagne, quoi. Ce serait horrible. C'est impossible, quoi. Il y a toujours 1%, quoi. Il y a toujours 1%. Ouais. Non, mais disons que moi, la réflexion que j'ai quand j'y pense, c'est que cette équipe-là soit championne du monde, ça serait une insulte à toutes celles qu'il y a eu avant. Quoi. Déjà, c'est une insulte à tout le monde, presque. T'sais. Ah ouais, mais. Ce soit en quart, quoi. on est violent, quand même. Non, mais c'est vrai, attends, t'as pas fini dans les 3 premiers du tournoi pendant 4 ans, t'es en quart de finale, quoi. Et l'Angleterre qui termine 4 fois deuxième, ils sont pas en quart, donc. J'ai failli le dire tout à l'heure quand t'en parlais, mais ouais, c'est. Ouais, mais ils sont en quart en ayant. Ouais, c'est ça. Mais non, mais on est en quart en ayant battu l'Italie, quoi. C'est ça. Mais si la seule possibilité qu'on gagne, c'est qu'il y ait une épidémie de gastro dans l'équipe de Nouvelle-Zélande. Mais même leur équipe, elle nous plie, je crois. Je crois, quand tu vois les remplaçants, bon, la moitié sont titulaires chez nous. Enfin, après, tu peux pas comparer. Mais... La moitié est cotisée par tous les clubs de Top 14, quasiment. Donc. Ah bon, arrêtons, ça va m'énerver là, je vais pas dormir. Ah bon, on est là pour ça, on est là pour s'exprimer. Hein. Il faut. Hein. Donc l'espoir, c'est que c'est au millénium, c'est que on l'a déjà fait il y a 8 ans au même endroit. C'est que putain, j'y crois même pas moi-même, quoi, c'est dur. Hein. De trouver des trucs, c'est que après en mêlée, ils sont jouables. Dans les rucks, on a vu que en poule, ils étaient pas non plus flamboyants. Sous les balles en haut, ils sont un peu branleurs aussi, donc bon. Si tout va bien dans notre sens, si tout va mal de l'heure, qu'on passe... Et dans les rucks, on a vu qu'on était dégueulasse, nous aussi, quand même. C'est un peu le problème. Disons que pour gagner, il faut qu'on fasse un match à plus de 100% et qu'eux, ils restent à leur niveau-là. Quoi. Et encore. Je vois qu'à leur niveau-là, ils mettent 50 points à tout le monde et qu'ils battent l'Argentine sans trop trembler au final. C'est rude. En ayant pris 2 cartons jaunes. Ouais, c'est rude. Du coup, on passe au match d'après. Donc après, moi je vous annonce, les gars, c'est celui que je veux pas louper. Donc dimanche 14h, Irlande-Argentine, au Millennium toujours. Bah vas-y, donne-nous tes raisons. Eh bien, très franchement, j'ai du mal à savoir qui donner favori. Je pense que ça dépendra beaucoup de la présence d'O'Connell ou pas côté irlandais. Malheureusement, on ne le sait pas à l'heure qu'il est, mais je trouve les Argentins très très forts devant, les Irlandais aussi. Derrière, ça peut péter à tout va, c'est quand même bien organisé. Côté irlandais, il y a un coach qui est, moi, Ron Smith, respect pour ce qu'il a fait. Moi, je pense que pour moi, c'est la plus indécise. Je suis d'accord. Oui, je pense aussi qu'on va pas te contredire. Aussi, moi, avant le tournoi, j'aurais dit l'Irlande. Si on m'avait dit que c'était ça le cas, j'aurais dit l'Irlande. Et finalement, l'Argentine sont aussi super impressionnants. Donc, moi, j'ai pas de souvenir d'Irlande-Argentine récent. J'ai pas regardé si. Le dernier, je crois, c'était en phase de poule contre l'année 2007. De la Coupe du Monde en France. Ouais, 2003. Ouais, il me semble. Non, c'était en 2003. Mais ils sont pas en 2007, ils sont en 2007, 2003. Ils ont dû jouer. Peut-être après, ils sont peut-être affrontés en test aussi, mais c'est vrai que c'est une opposition qu'on voit pas très souvent, j'ai l'impression. Ouais. Du coup, ouais, ça va rendre le truc quoi, d'autant plus sympa à voir. C'est vrai que les deux ont des armes. Enfin, c'est des équipes assez complètes au final, quoi. Qui sont capables ouais, de resserrer le jeu s'il faut, mais aussi de pouvoir lâcher et de cumuler les temps de jeu aussi. Après, je te dirais que je trouve les Argentins un peu plus. C'est pas français, mais bon, adaptable à la situation, tu vois, que s'ils se heurtent toujours au même type de défense, ils vont arriver à essayer de la contourner d'une autre façon. Après, de l'autre côté, les Irlandais, c'est quand même des poisons dans les rucks, ils ont une touche, ils vont avoir tous leurs ballons. La mêlée va être intéressante à voir. Enfin, t'as l'impression qu'en fait, t'as des points plus ou moins faibles dans une équipe qui se compensent par les forces de l'autre. Non, ça va être une sacrée opposition pour moi. Clé du match pour moi, ça sera la discipline. Et en plus, pour l'Irlande, O'Mahony sera pas là. O'Brien, au moment où on enregistre, on sait pas, mais il y a peu de chances qu'il soit là, à mon avis. À mon avis, il va prendre. S'il a fait, O'Connell, c'est le doute. Bon, Sexton, apparemment, c'est pas très grave, il devrait être là, mais est-ce qu'il sera à 100%? C'est ça, moi, qui ferait que je ferais à la limite un petit 51-49 pour l'Argentine, quoi. Moi, je mettrais 51-49 pour l'Irlande. Ils seront à Cardiff, ils seront devant leur public, quoi. Ils seront chez eux. Et même ça niveau... sera la Green Army encore. Hein, niveau expérience, je pense, sont peut-être un peu au-dessus aussi. Parce que les Argentins, au final, c'est une équipe assez jeune, quand même. Même s'il y a des mecs comme Hernandez, Fernandez Diobé, Leguizamón. Disons que sur le papier, si t'as une équipe qui est capable d'éviter qu'il y ait un dernier carré sudiste, c'est eux, quoi, sur la confrontation. Ouais. Avec les Gallois en deux, mais, je pense. Mais normalement, oui, c'est vrai que c'est l'espoir de l'hémisphère nord, quoi. Donc peut-être pour ça, ils vont épargner O'Brien, ils vont lui dire, allez, ouais. Si on a une chance d'avoir une équipe du Nord en demi, tu prends rien, c'est bon. Mais de toute façon, à la vidéo, O'Brien, je pense qu'il peut faire ses valises. Hein. Après, avec la suspension qu'avait pris Tuilagi aussi, ils peuvent pas ne pas lui mettre moins, quoi, je pense. Ouais, d'ailleurs, c'est un petit prono sur la durée de sa suspension. Je sais pas, c'est tellement aléatoire, quand même. Ouais, on est en Coupe du Monde. On n'a pas les barèmes sous les yeux. Ouais. Moi, je dis 3 semaines. Ouais, tiens, j'allais dire ça, ouais, 3-4 semaines. Quoi. Mais après, ça a l'air vraiment volontaire. Donc ça... Moi je dirais un peu plus, hein. J'aurais plus de 6 semaines moi. Parce que quand même il va vraiment pour ça et il met vraiment le coup. Ah ça, il a l'air d'y aller franchement. Ouais. Donc réponse dans quelques jours je crois, parce qu'il était cité donc ça devrait tomber assez vite à mon avis. Donc du coup on récapitule qui voit l'Irlande passer. Moi. Ça en fait combien, 2 c'est ça? Max et Ali. Oui. Et Argentine pour Potaval, Opa et moi. Ouais. Eh ben, moi je te dis prolongation, allez. Ouais, franchement, je rêve d'un scénario comme ça. Ah, prise de pêche, parce qu'après l'autre match c'est. Ça serait beau quand même. Une bonne prolongation avec Maradona qui finit en cible dans les tribunes, quoi. je te dirais Irlande quand même. Argentine. Ouais, finalement. Non mais je te dis, pour moi, c'est en fait, à chaque fois que j'y pense, je vois un vainqueur différent. Bah tant mieux. Ça serait bien d'avoir un beau match et du suspense jusqu'au bout. Ce serait sympa, ouais. Parce que c'est peut-être pas avec le match d'après qu'on devrait avoir du suspense, sur le papier en tout cas. Australie-Écosse, dimanche 17h. C'est peut-être le cas le plus déséquilibré, a priori. c'est France-Nouvelle-Zélande. Celui-là. Et je me posais la question d'ailleurs avant, mais les Écossais, ils ont toujours leur mec qui joue pas le dimanche, hein? Non. Il est à Pau. Mais ouais, non, il est pas là. Ah, ils veulent gagner maintenant. Disais encore, les mecs sont foutus d'avoir 3 abrutis qui vont aller à la messe plutôt que jouer le quart, quoi. Non. Pas d'excuses. Non, mais même je avec bien ça, les Écossais se casser les dents sur sur la défense australienne et l'Australie qui plante un voire plusieurs contres et qui prend le large au final. Ouais, bah non, comme souvent dans le tournoi. Je pense que l'Écosse va tenir tête à l'Australie pendant la première mi-temps et que à partir de la 50e, 60e, l'Australie va faire le trou. Non, moi j'aime bien le scénario d'Ali, moi, ouais, que l'Écosse qui arrive à faire du temps de jeu, mais comme d'hab, ça manque un peu de percussion, de puissance, et loin ça va se fatiguer, derrière les autres, ça va lâcher la cavalerie là, et ça devrait trouver des opportunités. Mais ouais, je pense que Cotter peut leur faire tenir le coup pas mal de temps, à mon avis. Ah, j'ai du mal à voir l'Écosse tenir le choc quand même. Moi je pense qu'ils y vont, là, Cotter, il est en position de joueur de poker avec son petit tapis, il va au line et il met tout d'entrée de jeu à blinder dans la baraka. Et moi, pour moi, ils font 4-5 premières minutes intéressantes où chaque action ils peuvent marquer, et puis après ils prennent la valise. Je vois plutôt comme ça aussi, ouais. C'est parce que déjà quand t'as vu les Australiens face aux Anglais ou même face aux Gallois, tu te demandes comment les Écossais vont pouvoir résister, quoi. En confisquant le ballon comme les Gallois. Ouais. Ils savent le faire. Je trouve que vous sous-estimez beaucoup l'Écosse. Moi, je pense qu'ils sont meilleurs que ce que vous pensez. Faut savoir, sur le tournoi, je dis que c'est une des équipes intéressantes qui va pas perdre un match à domicile. Au final, ils finissent cuillère de bois. Non, ouais, moi, j'y crois pas pour la gagne, mais je pense qu'ils peuvent faire une bonne petite opposition quand même, quoi. Moi, j'aimerais les voir faire un truc. Il y a des joueurs que j'aime bien, Hogg et tout, mais Bennett aussi. Mais après, j'ai du mal à les voir, surtout après ce que l'Australie a démontré, quoi. Je pense que les Australiens, là, ils sont lancés. Du coup, transition toute trouvée, on va faire ça vite fait. Qui pour la gagne finale, quoi? Maintenant qu'on a le tableau sous les yeux. T'avais l'air chaud sur les Australiens, tu les vois gagner? Non, mais je les vois en finale. Et donc? Ouais, je vois le. Allez, je vais mouiller, je vais dire Afrique du Sud. Ça y est, ils sont lancés. La gagne, je sais pas, mais finale de Nouvelle-Zélande Australie. Je change pas ce que j'avais dit au début. Ah, t'avais dit ça, bien vu. C'est ça que l'Australie, j'ai du mal à ne pas les voir en finale. Sur une finale, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, pour l'instant, je ne m'aventure pas à donner un vainqueur. Moi, j'aimerais voir la semaine médiatique avant le Nouvelle-Zélande-Australie en finale. Avec le rappel, ils les ont tordus aux Tri-Nations et tout. L'équipe qui a gagné le Rugby Championship n'a jamais gagné la Coupe du Monde ensuite. Ouais, ouais. Mais l'Australie a toujours gagné les Coupes du Monde en Angleterre. Ah, voilà. Et puis le club qui a joué Lombez à Saint-Matin en amical aussi a toujours gagné le championnat de France. Des conneries comme ça. Mais moi j'aimerais vraiment le voir, ça. Ouais. Ça, ouais, moi j'ai du mal à ne pas voir l'Australie en finale, qu'en demi, que ce soit l'Irlande ou l'Argentine. Je sais pas, c'est jouable pour les deux. L'Argentine l'a déjà fait, d'ailleurs, c'est la première équipe qu'ils ont tapé en Rugby Championship, c'était l'Australie. Mais là, sur une demi comme ça, ouais, c'est vrai que Sheka, elle a l'air d'avoir fait un excellent boulot. Mais après, la Nouvelle-Zélande, par contre, j'ai un peu peur pour eux, quoi. Entre les box, ça peut être très, très, très, très piégeux pour eux, quoi. Mais bon, j'aimerais bien qu'ils gagnent au bout, quoi. Ce serait bien que ce soit les premiers à garder leur trophée, quoi. Non, mais de toute façon, en demi, ça sera Nouvelle-Zélande-Pays de Galles. Voilà, mais. je pense que la Nouvelle-Zélande, pour moi, c'est, enfin, je les vois pas se faire sortir avant, quoi. Ils sont tellement impressionnants que... Ah, disons que s'il y a une équipe qui peut les sortir avant, c'est les Sudaf, quoi. vous me faites chier à me demander des pronostics comme ça à chaque fois, je dis tout et son contraire. Mais... Il faut se mouiller. Je dis toujours tout et son contraire, mais ouais, non, mais j'aimerais les voir gagner parce qu'il y a des mecs que j'aime bien là-dedans. Et... Ne serait-ce que parce qu'il y en a plein qui vont se barrer et que ce serait bien qu'ils finissent avec une Coupe du Monde. Mais oui, que Conrad Smith là, il ramène le trophée à Pau et tout. Colin Slade. Tu te rends compte quand même, quoi, la Coupe du Monde dans la ville des tricots, quoi. Et vu comme ça, ouais, ils peuvent nous la ramener à Colombes avec Dan Carter. Mais voilà, ils font la petite tournée du top 14, il y en a partout. Ils iront voir Wipou, Yona et tout. Ce sera trop bon. Bah, de nous à Toulon. Bah oui, voilà. Ah, y en a partout, quoi. Apparemment. Si elle atteint à Toulouse, quoi. À part à Montpellier où ils feront pas escale, normalement. Ils peuvent se déplacer. Si tu regardes, y en a un peu partout, hein. Rocosoco, Racing aussi. Ouais, nous on a Filippo et Laoulala. Enfin, bref. Voilà, ils s'exportent bien. Ouais. Et malgré tout, ils ont une équipe de fous, quoi. Et autant de bons joueurs qui attendent leur tour patiemment au pays, quoi. C'est ça. Donc, on cite ceux qui y sont pas, donc déjà quand tu cites ceux qui y sont pas, c'est déjà pas mal, donc C'est quand tu vois le groupe, c'est impressionnant. Ouais, bah oui. Et il manque aussi Aaron Cruden, dont on n'a pas entendu parler pendant un mois, mais qui est quand même l'ouvreur numéro 1 à la base, quoi. Le pauvre. Il s'est blessé. Stephen Donald. Au vraiment mauvais moment, quoi. Voilà, Ronald Pixou. Celle-là, elle est limite, quoi. Mais c'est la fin du podcast, on l'excuse. On l'excuse. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter, parce que là, c'est la fin, c'est un peu freestyle. Non, mais je pense qu'on a bien résumé. Peut-être une dernière question qui va finir meilleur marqueur du tournoi, Abanas, AVA. Au niveau des essais, ouais. Je sais plus, il y a Miller Scudder à 4 aussi. Sachant qu'il va en marquer 1 en finale, il sera à 5. On lui met qui en face à sa VA contre nous là. Si c'est Dulin, si ça change pas, ça sera Nakaitasi. Non, bon, après, ça, y a moyen que ça aille au bout aussi. Hein. Bah. Ouais, après, JP Peterson à 4 essais aussi, Gareth Davis à 4 aussi, Cordero Imhoff à 3, on sait jamais. Allez, Juanito, je lance. Après un petit hat-trick contre l'Irlande, hop, il repasse en tête. Personne pour la grosse cote, Rabat Slimani. Nicolas Maff. Après son quadruplé, son ballon porté. Scott Spedding. Quadruplé, son ballon porté, hop, tranquille. Donc, ouais, bah là, je crois qu'on peut pas. On ne peut pas faire mieux. Je sais pas si vous avez peut-être un petit coup de cœur plus général, hors rugby, ou coup de gueule ouais, à faire. Ouais, le retour du top 14 le week-end prochain. Bah, tu vois, il me tarde même pas, quoi. Il y a match ouais, vendredi à Agen, je m'en fous à un point. Moi, je t'avoue que c'est pareil. Ouais. Ah bon, bah, je suis peut-être sur la lancée de notre début de saison, quoi, mais ouais. Enfin, disons que j'attends plus le match contre Oyonnax que le match contre les All Blacks. Bah, je vais te dire, moi, on m'a proposé des places pour aller voir le Stade Toulousain que je supporte à Bordeaux-Bègles. C'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après. Manque de bol, ça chevauche un peu avec une demi-finale et rien que pour ça, j'irai pas, tu vois. Parce que j'ai pas envie de louper la Coupe du Monde. Ah ouais, ça chevauche, quoi. Putain, ouais, ça chevauche. Enfin, ça chevauche. En gros, le temps d'y aller, de revenir. Tout, voilà, tu te baises la première mi-temps, quoi. De toute façon, déjà, les deux matchs de dimanche, je les vois pas, donc. Hein. Aïe, aïe, aïe. Vend des rétro Santana, tu sais. Ouais, mais bon, quand t'es invité par la famille. Ah, il y a des obligations, malheureusement. Enfin, non. Ouais, putain, pourquoi je finis en octobre? Bah, c'est une fois tous les 4 ans. Ouais, ça va. Tu les invites à 19h, c'est bon, les matchs sont finis. Ouais, mais non, justement, c'est pas moi qui invite, c'est moi qui suis invité. Ah merde. Bah, tu dis que tu peux pas venir avant 19h. Ouais, pour aller au restaurant, quand t'as réservé pour. Tu fais comme PSA, ça s'est joué sur un détail, la bougie de la voiture a pas voulu s'allumer, et puis c'est bon. Le métro, je suis arrivé, il est parti, et voilà, je l'ai manqué. J'ai pas été assez bon dans la conquête. Ouais, on a manqué un peu de physique sur les 10 dernières minutes là pour. J'étais oxy, quoi. Ça manquait un peu de mental sur la blanquette de veau à midi, c'est bon. Bon, bah sur ce, je crois que ça va être l'heure de se dire au revoir. Oui. Je regarde vite fait sur Rugirama s'il n'y a pas des news, mais non, pas de blessure, pas de suspension, rien à signaler. Donc c'est bon, on a fait le tour. Plus personne n'a des petits coups de cœur, coups de gueule à passer. Ouais, moi je vais en penser un. C'est pas un rugby, c'est un basket. C'est l'arrivée de la proie sur l'équipe 21. Voilà, et ma chaîne sport, enfin en HD. Ouais, c'est parce que sinon c'était un peu. Bah, pour ceux qui n'avaient pas d'abonnement, machin, c'était un peu galère pour voir la proie. Donc là, elle arrive sur l'équipe 21, donc c'est tout cool. Avec en plus David Cosette qui commentait déjà sur Canal. Donc et l'équipe 21 qui va faire tout le parcours européen de Nanterre. Ça, c'est bon aussi. À commencer par mercredi à Bilbao. Comment? Jusqu'en décembre, en fait. Non. Ça passe au deuxième tour. Je suis pas du tout. De très loin. Mais d'ailleurs, bonne transition, parce que je crois que le prochain podcast devrait être NBA, normalement. Parce que la saison reprend dans pas longtemps. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si vous avez des remarques, des commentaires ou des questions, si vous voulez vous moquer de nous sur nos pronoms un peu foireux, même si bon, à 5, on a tous dit un truc différent, donc, il y aura bien quelqu'un qui aura juste, hein. Ah, sinon, un petit truc vite fait. Genre, faut, une petite proposition, genre qu'on mette chacun notre équipe type à l'écrit, histoire que ce soit. Oui, que chacun faire voit. Ça, même les pronoms, à la limite. Aussi, ouais. On pourra faire ça, ouais. Très bonne idée. Bah, sur ce, à la prochaine. Tiens, saluer juste un petit truc, le choc sportif du week-end aussi, quand même. Ali J contre Val en Fantasy League NFL. Ne manquez pas ça, ça va trash-talker à fond. Les mecs sont déjà en train de se pourrir par MP, t'sais. Donc, continuez les gars, régalez-moi. Du Jamie Cudmore, hein. Rentrez-vous dedans comme des ânes. Ça va être aussi serré que Nouvelle-Zélande. Continue, bro, vas-y. Je dis pas qui est la Nouvelle-Zélande. Mais la Blount qui va jouer contre Indianapolis. Eh oui. Bref, les concernés. Les apprécieront. Voilà, c'est ça. Bon, allez, bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Salut. Hop, nickel. Ah, oh, merde, je me suis rendu compte, j'ai dit une grosse connerie. Oh, bah, une de plus, une de moins. Putain, j'en ai partout. J'ai une feuille, j'ai un bloc-notes. Va chercher du sopalin, c'est gros dégueulasse.